son enfant. Trois mois contre la peur et la nuit, puis la foi le confie au fleuve, dans un berceau tressé d'infini. La fille du roi entend les pleurs, le cœur royal devient compassion, et celui qui devait mourir entre dans la maison de l'oppression. Tu fais naître le sauveur dans la maison même de l'ennemi. Tu sauves au milieu du danger, tu caches la vie dans les eaux, et ce que l'homme destine à la mort devient l'outil de ton renouveau. Tu sauves au milieu du danger, ton plan ne connaît pas la peur, car même dans les bras de l'oppresseur, tu fais grandir le libérateur. Moïse frappe l'Égyptien, il croit libérer par sa force, mais la fuite devient son refuge quand la violence ferme la source. Dans le désert, loin des palais, tu formes son cœur autrement, car la grandeur se taille dans l'ombre avant de parler aux puissants. Tu sauves au milieu du danger, tu sauves au milieu du danger, tu caches la vie dans les eaux, et ce que l'homme destine à la mort devient l'outil de ton renouveau. Tu sauves au milieu du danger, tu sauves au milieu. Ton plan ne connaît pas la peur, car même dans les bras de l'oppresseur, car même dans les bras de l'oppresseur, tu fais grandir le silence.